à tous et bonjour à toutes. On est samedi et c'est tranquillement la fin de la journée. Allez, je vais vous offrir une découverte. JB et son Time for Love, vous connaissez ? L'artiste de son vrai nom, Jason Black, n'a sorti que 3 singles durant sa carrière. C'est pas grand-chose. Celui que nous allons écouter, il va dater de 1985. Bon, vous doutez bien que je n'ai pas trouvé grand-chose sur lui, mais l'extrait vaut quand même le détour, croyez-moi. C'était en 1985 et ça donnait ça. Et Mr. Funk sur Fadjet. Pour pour les 100 hits qui ont fait le disco, nous allons nous intéresser à Boyz II Men Gang et son Cruising the Streets. Le groupe est mondialement connu pour sa reprise de Can't Take My Eyes Off You. Le romantisme affiché par cette chanson est tout l'opposé du titre d'aujourd'hui. Boyz II Men Gang est l'idée d'un DJ et d'un producteur. Ils sont engagés dans une branche du disco, le Frisco Disco. Alors c'est un genre de disco électro au tempo rapide qui sera en sorte à l'origine du R&B. En 1981, le producteur Motley engage Cynthia Manley pour enregistrer un medley disco comprenant Remember Me et Ain't No Mountain High Enough, deux chansons de Diana Ross. Pour la phase B, Motley compose une chanson qui traite des rencontres clandestines, les fameux cruising. La chanson sera un conseil dans des lieux de rencontre et va donner la marche à suivre. Au milieu du morceau, la température en monte dangereusement. Tout ce que je peux vous dire, en résumé, c'est que l'histoire est interdite au moins de 18 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Curieusement, le titre, il va bien fonctionner et il va même inspirer George Michael pour son Outside. Mais ça, c'est une autre histoire. Walk up like you don't. on va enchaîner avec la découverte du premier album de Boney M, Take the Heat Off Me. Le producteur Frank Farian sort au cours de l'année 1975 un single intitulé Baby, Do You Wanna Bump? Devant le succès et pour faire face à la demande, il décide de monter un groupe afin d'assurer la promotion de la chanson dans les discothèques et sur les plateaux de télévision. Le groupe en question, ça sera Boney M. L'album connaîtra un beau succès et le groupe cartonnera à travers l'Europe avec les deux singles qui en seront extraits. Daddy Cool et Sonny. On va voir si vous êtes vraiment cool. She's crazy like a fool. D'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Pour le maxi, j'avais envie d'écouter ce bon vieux Larry et son groupe. Act Like You Know de Fat Larry's Band, je suis sûr que ça va vous dire quelque chose. Sorti en 1982, c'est le plus gros succès du groupe, assurément. La chanson utilise le sample de Help Is On The Way des What's Note. Elle-même sera reprise, par exemple, dans Ring Ring Ring de De La Soul. Et la chanson va figurer aussi sur la bande originale du film La Vérité Si Je Mens. C'est peu dire. (Musique) Just like you know, yeah. well, well, well. It's just like you know. Yeah. Ha! La pépite, vous savez tous que j'aime bien la voix de Sade et que je ne m'en passe pas. Je vais vous faire découvrir, voire redécouvrir, Kiss of Life, extrait de l'album Love Deluxe, paru en 1993. Elle est sortie le 26 avril 1993 chez Epic Records en tant que troisième single de l'album. La chanson est écrite par les membres du groupe et elle atteint la 44e place des charts en Grande-Bretagne. Elle est 78e place aux États-Unis, tout en devenant le 7e single de Sade à se classer dans le top 10 du classement Billboard à R&B. Elle va atteindre la 10e place. Bon, elle est qualifiée de chanson d'amour la plus évocatrice et durable à ce jour du groupe. Randy Clark du magazine Cashbox l'a décrite comme une chanson d'amour convaincante dans le même registre Soul Grove, facilement identifiable qu'elle s'est taillée. En 1985 avec Smooth Operator. Tout un programme. Il est désormais temps de se quitter. On se dit même heure, même endroit, samedi prochain. Bonne semaine, bye bye.